Chapitre 8. Examen des raisons qui peuvent empêcher la puissance législatrice des États où l'esclavage des Noirs est toléré de remplir par une loi d'affranchissement général le devoir de justice qui l'oblige à leur rendre la liberté. Pour que l'affranchissement n'entraînât après lui aucun désordre, il faudrait, premièrement, que le gouvernement pût assurer la subsistance aux vieux nègres et aux nègres infirmes, que dans l'état actuel, leur maître ne laisse pas, du moins absolument, mourir de faim. Deuxièmement, qu'on pourvût à la subsistance des nègres orphelins. Troisièmement, qu'on assurât, du moins pour une année, le logement et la subsistance à ceux des nègres valides qui, dans cet instant de crise, n'auraient pas trouvé à se louer, par un traité libre, à des possesseurs d'habitation. À la vérité, on aurait droit d'exiger que les frais de ces établissements fussent faits aux dépens des maîtres. Ils doivent des aliments aux nègres qui ont perdu à leur service ou leur santé ou la partie de leur vie qu'ils pouvaient donner au travail. Ils doivent des aliments aux enfants dont les pères morts dans les fers n'ont pu laisser d'héritage. Ils doivent des aliments pour un temps à tous leurs esclaves parce que la servitude les a empêchés de se procurer les avances nécessaires pour attendre le travail. Ces obligations sont strictes, indispensables. Et si le gouvernement s'en chargeait à la place des maîtres, ce serait une sorte d'injustice qu'il ferait au reste de la nation en faveur des colons. Ils aggraveraient le fardeau des impôts sur des innocents pour épargner les coupables. Aussi, le seul moyen juste et compatible avec l'état où se trouveraient alors les possesseurs des nègres serait un emprunt public, remboursable par un impôt, levé sur les seules terres des colons. Quatrièmement, comme il serait à craindre que les nègres, accoutumés à n'obéir qu'à la force et aux caprices, ne puissent être contenus, dans le premier moment, par les mêmes lois que les blancs, qu'ils ne formassent des attroupements, qu'ils ne se livrassent au vol, à des vengeances particulières et à une vie vagabonde dans les forêts et les montagnes, que ces désordres ne fussent fomentés en secret par les blancs, qui espéreraient en tirer un prétexte pour obtenir le rétablissement de l'esclavage, il faudrait assujettir les nègres, pendant les premiers temps, à une discipline sévère réglée par des lois. Il faudrait confier l'exercice du pouvoir à un homme humain, ferme, éclairé, incorruptible, qui sût avoir de l'indulgence pour l'ivresse où ce changement d'état plongerait les nègres, mais sans leur laisser l'espérance de l'impunité et qui méprisât également l'ordre des blancs, leurs intrigues et leurs menaces. Cinquièmement, il faudrait peut-être se résoudre à perdre, en partie, la récolte d'une année. Ce n'est point par rapport au propriétaire que nous considérons cette perte comme un mal. Si un homme a labouré son champ avec des chevaux qu'il a volés et qu'on le force à les restituer, personne n'imaginera de le plaindre de ce que son champ restera en friche l'année d'après. Mais il résulterait, de cette diminution de récolte, un enchérissement de la denrée, une perte pour les créanciers des colons. Nous sentons que de pareilles raisons ne peuvent contrebalancer les raisons de justice qui obligent le législateur, sous peine de crime, à détruire un usage injuste et barbare. Qui s'aviserait de tolérer le vol parce que les effets volés se vendent meilleur marché? Qui oserait mettre en balance l'obligation rigoureuse de restituer, qu'on force un voleur de remplir, avec le risque que cette restitution pourrait faire essuyer à ses créanciers? Nous n'ignorons point enfin que cette perte, aussi bien que le défaut d'ouvrage qui pourrait, dans les premiers instants, exposer une partie des nègres à la misère et au crime, serait non l'effet nécessaire de la révolution, mais la suite de l'humeur des propriétaires, et nous n'en parlons que pour ne passer sous licence aucun des inconvénients dont un affranchissement général pourrait être suivi. Sixièmement, on ne peut dissimuler que les nègres n'aient en général une grande stupidité. Ce n'est pas à eux que nous en faisons le reproche, c'est à leurs maîtres. Ils sont baptisés, mais dans les colonies romaines, on ne les instruit point du peu de morale que renferment les catéchismes vulgaires de cette église. Ils sont également négligés par nos ministres. On sent bien que les maîtres n'ont eu garde de s'occuper de leur inspirer une morale fondée sur la raison. Les relations de la nature ou n'existent point ou sont corrompues dans les esclaves. Les sentiments naturels à l'homme ou ne naissent point dans leur âme, ou sont étouffés par l'oppression. Avilis par les outrages de leurs maîtres, abattus par leur dureté, ils sont encore corrompus par leur exemple. Ces hommes sont-ils dignes qu'on leur confie le soin de leur bonheur et du gouvernement de leur famille? Ne sont-ils pas dans le cas des infortunés que des traitements barbares ont en partie privés de la raison? Et dès lors, quelle que soit la cause qui les ait rendus incapables d'être hommes, ce que le législateur leur doit, c'est moins de leur rendre leurs droits que d'assurer leur bien-être. Telles sont les raisons qui nous ont fait croire que le parti de ne point rendre à la fois à tous les nègres la jouissance de leurs droits peut n'être pas incompatible avec la justice. Ces raisons paraîtront, sans doute, très faibles aux amis de la raison, de la justice et de l'humanité. Mais un affranchissement général demanderait des dépenses, des préparatifs. Il exigerait, dans son exécution, une suite et une fermeté dont un très petit nombre d'hommes seraient capables. Cependant, il faudrait que plusieurs hommes réunissent à ces qualités le désintéressement, l'amour du bien et le courage. Il faudrait que la révolution fût l'effet de la volonté propre d'un souverain, appuyé par l'opinion publique, ou de celle d'un corps législatif dont l'esprit fût constant. Car si le plan, si l'exécution dépendent de la volonté d'un seul homme, de l'activité de quelques coopérateurs, bientôt tous éprouveraient le sort que le genre humain, toujours ignorant et barbare, a fait éprouver à quiconque a osé défendre le faible contre le fort et opposer la justice à l'esprit d'avidité et d'intérêt. Et cet exemple effrayant, joint aux préjugés que les partisans des abus ont su répandre contre les nouveautés, suffirait pour prolonger de plusieurs siècles l'esclavage des nègres.